Le ministre coréen des Affaires étrangères Lee Yong-ho s'est entretenu le 21 courant avec Tapan Michurin, coordinateur permanent des Nations Unies et représentant permanent du programme des Nations Unies pour le développement en Corée, qui lui a rendu une visite protocolaire.